Au feu de Marguerite Audoux, lu par Clémentine pour audiocité.net. Le premier cri partit du troisième étage. C'était un cri sourd et voilé, comme si l'homme qui le poussait eût été à moitié étranglé. Tous les locataires de la maison devaient l'avoir entendu. Cependant, personne ne bougea. On eût dit que les gens attendaient un autre avertissement. Il vint, en effet, un peu plus clair, au bout d'un moment, et il fut suivi, presque tout de suite, d'un troisième, plein de force. Aussitôt, toute la maison fut comme secouée. Les fenêtres et les portes se mirent à battre. On entendit des appels de femmes et des jurons d'hommes, et bientôt l'escalier trembla sous une dégringolade précipitée et continue. La voix qui avait poussé le premier cri était maintenant éclatante comme un instrument de cuivre. Elle entrait par les portes, sortait par les fenêtres et s'en allait dans la nuit, portait son cri d'alarme. « Au feu ! Au feu !» Les cinq locataires du sixième étage furent les derniers à ouvrir leurs portes. Ils n'eurent pas besoin de s'interroger. La fenêtre du palier leur montra tout de suite que c'était la scierie du fond de la cour qui brûlait. D'énormes piles de planches s'allumaient de tous côtés et le vent poussait les flammes et les faisait buter contre la maison. Il fallait descendre au plus vite, car les fenêtres de l'escalier laissaient déjà entrer une grande chaleur et beaucoup de fumée. L'artiste peintre n'en finissait pas de mettre la deuxième manche de sa veste. Son bras glissait sans cesse le long de la doublure sans rencontrer l'ouverture. Il se tourna vers sa voisine, l'employée des postes, et il dit d'un ton de connaisseur « Ça flambe admirablement !» L'employée des postes ne l'écoutait pas. Elle rentrait et sortait, pieds nus, en chemise de nuit, et elle répétait « Je ne peux pourtant pas descendre sans être habillée correctement !» À l'autre bout du couloir, Francette, l'entretenue, courait après sa chatte qu'elle ne voulait pas abandonner. Elle dérangeait les chaises avec bruit en appelant d'une petite voix « Minet, Minet, Minet !» Elle sortit enfin avec sa chatte dans ses bras, ses jambes nues dans des bottines jaunes qu'elle n'avait pas pris le temps de boutonner et sur ses épaules une couverture blanche qui traînait derrière elle comme un manteau de reine. Elle rejoignit l'artiste et l'employé qu'elle sépara en se plaçant entre eux et tous trois passèrent devant la couturière en train de fermer sa porte à double tour comme pour empêcher le feu d'entrer chez elle. Il n'y avait plus que la petite tuberculeuse qui tournait sans bruit dans sa chambre. Elle n'avait sur elle qu'un petit jupon noir et une pèlerine qui ne joignait pas devant. La couturière la pressait de descendre, mais elle s'entêtait et résistait. « Je veux ma lettre, » disait-elle. « J'ai une lettre et je ne veux pas m'en aller sans elle. » Elle la trouva sur une chaise près du lit, malgré l'obscurité que la fumée commençait à faire dans la chambre, puis elle descendit aussi vite que cela lui était possible en se cachant la bouche avec sa lettre. La couturière la suivait en retenant sa respiration et fermant à demi les yeux que la fumée piquait et brûlait. En bas, elles retrouvèrent Francette, l'entretenue, l'artiste peintre et l'employé des postes qui eurent la même respiration bruyante en les apercevant. Devant la maison, la foule s'amassait avec rapidité. On ne savait pas d'où elle pouvait venir à cette heure de la nuit. Les gens avaient l'air d'avoir été simplement dérangés dans leur promenade d'après-dîner et l'on voyait, comme en plein jour, des couples de jeunes gens, des vieux messieurs tout seuls et des femmes avec leurs enfants sur le bras. La voix qui avait tant crié au feu sortit tout à coup du couloir pour demander si on avait appelé les pompiers. Personne ne répondit. Alors il se fit un grand mouvement dans la foule, comme si les gens s'écartaient pour laisser passer quelqu'un de très pressé et, peu de temps après, on entendit la chanson des pompes à incendie. Deux notes seulement, mais si rapprochées et répétées avec tant d'insistance que cela faisait penser à un air très varié dont la foule connaissait les paroles. On entendait de tous côtés « Les voilà déjà ! Ils ont l'échelle de sauvetage !» « Voyez comme leurs casques sont brillants !» Cependant, de gros tuyaux souples se déroulaient et s'allongeaient vers les prises d'eau pendant que l'échelle glissait de son chariot pour venir s'appuyer contre le balcon du deuxième étage. Le couloir de la maison apparaissait noir comme l'entrée d'une caverne. Les pompiers y pénétraient graves et attentifs, avec une torche allumée au poing, et à les voir ainsi, on pensait à des hommes dévoués et résolus, s'en allant attaquer un monstre pour sauver leur frère. Comme si le feu les eût reconnus, il redoubla de violence à ce moment. Des morceaux de bois tout en feu sautèrent en l'air et vinrent retomber sur les petits balcons du sixième étage. Les étincelles montèrent en tourbillonnant avec insolence et s'éparpillèrent sur les maisons voisines en pénétrant jusque dans les cheminées. Pendant le silence angoissé qui suivit, on vit tout à coup apparaître les pompiers sur le toit de la maison. Ils s'espacèrent un peu et se campèrent solidement, les jambes écartées, puis ils saisirent leur lance à pleine main et la baissèrent d'un geste sûr contre le feu. Il diminua aussitôt ses flammes et quelqu'un cria « Ils le tiennent !» Toutes les voix se réunirent en une seule pour porter aux pompiers l'admiration de chacun, puis les mains se mirent à claquer avec une si grande violence que les rugissements du feu en furent étouffés. Parmi les locataires de la maison, Francette, l'entretenue, fut bientôt entourée. Comme la plus à plaindre, sa couverture glissait à chaque instant de ses épaules et les mouvements maladroits qu'elle faisait pour la retenir laissaient voir à tous qu'elle n'était vêtue que de sa chemise. Elle disparut dans un groupe du côté d'un grand café. L'employé des postes relevait constamment son chignon qui glissait sur son cou. L'artiste peintre lui offrit son bras pour marcher un peu. Tous deux tournèrent le coin d'une rue sombre. Peu à peu, la scierie cessa de brûler, le silence se fit sur le boulevard et les locataires rentrèrent chez eux les uns après les autres. Ceux du sixième étage se retrouvèrent ensemble sur le palier. L'artiste peintre, dont le lit était brûlé, entra chez l'employé des postes pour s'assurer que le feu n'avait rien abîmé. Francette, l'entretenue, avoua qu'elle avait trop peur pour finir la nuit chez elle et qu'elle aimait mieux aller coucher ailleurs. Il ne resta plus sur le palier que la couturière et la petite tuberculeuse dont les chambres n'avaient plus de fenêtres. Toutes deux s'assirent sur l'escalier. La petite tuberculeuse promenait sa lettre sur sa poitrine en l'appuyant du plat de sa main, comme si elle lui tenait chaud aux endroits où elle la laissait un moment, et on n'entendit plus que les pompiers qui allaient et venaient dans la maison qu'ils emplissaient de bruit et d'eau. Tiré 2. La fiancée. Nouvelle.